Rentré au salon, il prit par contenance un des albums traînant sur la table. Les grands artistes de l'époque l'avaient illustré de dessins, y avaient mis de la prose, des vers ou simplement leur signature. Parmi les noms fameux, il s'en trouvait beaucoup d'inconnus, et les pensées curieuses n'apparaissaient que sous un débordement de sottises. Toutes contenaient un hommage plus ou moins direct à Madame Arnoux. Frédéric, aurais-tu peur d'écrire une ligne à côté? Elle alla chercher dans son boudoir le coffret à fermoir d'argent qu'il avait remarqué sur la cheminée. C'était un cadeau de son mari, un ouvrage de la Renaissance. Les amis d'Arnoux le complimentèrent, sa femme le remerciait. Il fut pris d'attendrissement et lui donna, devant le monde, un baiser. Ensuite, tous causèrent çà et là, par groupe. Le bonhomme Mencius était avec Madame Arnoux, sur une bergère près du feu. Elle se penchait vers son oreille, leurs têtes se touchaient. Et Frédéric aurait accepté d'être sourd, infirme et laid pour un nom illustre et des cheveux blancs, enfin, pour avoir quelque chose qui l'intronisa dans une intimité pareille. Il se rongeait le cœur, furieux contre sa jeunesse. Mais elle vint dans l'angle du salon où il se tenait, lui demanda s'il connaissait quelques-uns des convives, s'il aimait la peinture, depuis combien de temps il étudiait à Paris. Chaque mot qui sortait de sa bouche semblait à Frédéric être une chose nouvelle, une dépendance exclusive de sa personne. Il regardait attentivement les effilés de sa coiffure, caressant par le bout son épaule nue. Et il n'en détachait pas ses yeux, il enfonçait son âme dans la blancheur de cette chair féminine. Cependant, il n'osait lever ses paupières pour la voir plus haut, face à face. Rosenval les interrompit, en priant Madame Arnoux de chanter quelque chose. Il préluda, elle attendait. Ses lèvres s'entrouvirent, et un son pur, long, filé, monta dans l'air.